mabe nyoso bakima musika onode lolo nyoso baba ekweya salami kamo abambola biso maso nakombola Yesu maintenant. Dieu veut transformer ton existence qui était amère. Le Saint-Esprit est là. Touche maintenant. Touche Saint-Esprit. Touche ma soeur. Touche mon frère. Touche ces ventres que les hommes ont déclaré stériles. Touche ces cœurs qui est affaibli. Touche ces cœurs qui ne fonctionnent pas bien. Touche Seigneur ces poumons qui ne fonctionnent plus. Touche ce cancer, Seigneur, ton gloire qui conduit mon frère à la mort. Touche et guéris maintenant. Guéris ma soeur maintenant. Guéris mon frère maintenant. Touche ma soeur maintenant.